pas pour les bitches, pour pas les rats de la gloriole. R.O.P. aux victimes, calciné du boulevard Oriol. C'est le caractère de la vermine, plus petit quand on la sermine. Ici que l'état extermine, ici tous les coups sont permis. Si on te sourit, contre la bien mise, on va pas tarder à le faire. Si on te surine, c'est que t'as balancé un frère. Insulter une mère ou regarder travers nous. Y'a que pour prier qu'on pose front et genou à terre. Pas de courbette, ils veulent nous passer les gourmets, donc c'est la guerre. Non pas les rats de foot pari en bouteille, avec des six de coupe les jambes. Pour que tu comprennes pourquoi Kunta est entré dans la légende. J'suis pas afrocentriste, j'connais même pas mon play. Tout ce qui se passe, ils l'ont cherché autour de flammes. Le reste, c'est pas mon blême. Y'a rien de gratuit dans notre haine. Mon emblème, un drapeau noir, une tête de mort. Et je marche comme un seul homme avec ma horde. Diabolisé parce qu'on refuse de remplir nos assiettes de porc. Et on me dit que c'est un fils d'immigré qui va nous tèche dehors.